Archi Radio. Archi Doux. Archi Cool. La radio du festival Archipel. Archi Chouette. En direct. De 10h à midi. Archi Nul. Sur Archipel. Archi Fort. Archi Grand. Point org. Hello. Hello. Archipel. On est de nouveau là. C'est. Samedi, c'est le dernier samedi du festival. Exactement, et on est un peu fatigué. On est légèrement fatigué, mais on va tenir dur encore pendant 48 heures. Aujourd'hui. 48 heures de direct. 48 heures de direct. Mais, non, mais en vrai, tout va bien. On est très heureuse d'être là, mais c'est vrai que moi, je sens que d'être dans ce contexte de festival tous les jours, parce que finalement, on est là en direct de 10h à midi, mais après, on reste toute la journée jusqu'à des fois minuit. La directe de la ville. Sous un parasol. Ouais, ouais. On fait la directe radio le matin et la directe de la ville la journée entière. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de direct de la vie entière, on a eu une idée de génie. Aujourd'hui, au lieu que faire, de vous parler de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui à la radio, on va essayer de le deviner avec des cartes. Que ton micro, il a disparu, Clara. Je ne sais pas. Ouais, alors. C'est la télépathie. Alors, on va mélanger les cartes. Notre voyante Clara va tirer les cartes. Alors, je ne sais pas si je suis revenue. Toujours pas. Alors, je vais parler au micro de Jonathan, puisqu'on ne m'entend pas. Mais donc, je suis en train d'installer des cartes de tarot. Donc, ce n'est pas exactement des cartes de tarot de Marseille. Moi, c'est plutôt celle-là que je connais. Mais là, c'est des cartes des druides. Mais finalement, les associations sont plus ou moins les mêmes. Donc l'idée, c'est de lire l'avenir du festival Archipel, en tout cas de la journée du samedi, on n'ira pas plus loin. Hein. Donc je vais tirer trois cartes. Trois cartes, oui. Alors, une première qui va annoncer la situation actuelle du festival. La deuxième carte qui va indiquer les aspirations du festival. Et la troisième carte qui nous annonce ce qui empêche le festival d'aller où il voudrait aller. Suspense. Est-ce qu'on a un jingle de suspense à la régie? Bon, alors, ça va? C'est le go. Première carte. Donc, la première carte, c'est donc le grand prêtre qui, dans le tarot de Marseille normal, est le pape. Donc, c'est où est le festival? Deuxième carte. La tour, oulala. Donc la tour dans le tarot de Marseille, c'est la maison de Dieu. Mais bon, si c'est les aspirations du festival, c'est peut-être exactement, c'est un grand bordel, un grand raout final pour pouvoir finir. Et donc qu'est-ce qui empêche le festival? C'est oulala le diable. Bon, alors. Oh non, pas le diable. Bon, je crois qu'on peut changer la dernière carte. Ou... Non. Ouais. Mais c'est bien, non, le diable. Bon, commençons par notre situation actuelle. Alors, voilà. La situation actuelle, donc. C'est le grand prêtre. Le grand prêtre ou le pape. Hein. Donc. On est à Pâques, là. Ça a l'air d'être quand même très pertinent. Tout à fait. Et puis le pape, il a une forme de sagesse. Et donc peut-être que c'est cette notion de musique contemporaine, musique savante. Il y a quelque chose d'une musique peut-être aussi... Enfin, quelque chose d'assez intellectuel, peut-être. Mais et aussi de stabilité spirituelle. Et de stabilité spirituelle. Je pense qu'après 7 jours de musique actuelle, ou contemporaine, on peut se retrouver dans une stabilité spirituelle. Moi, c'est ce que je ressens. Exactement. Surtout après... Je trouve la performance hier où ils interprétaient un morceau de Eliane Radig et où je me suis retrouvée vraiment dans un état méditatif. L'ami qui était avec moi m'a dit qu'à un moment, il a levé les yeux et qu'il a vu une personne partir lévitant vers le bar pour aller se chercher une bière. Ouais. Et voilà, je me dis que si... C'est le Seigneur qui allait au bar picoler. Exactement, si la musique amène à la lévitation, c'est qu'on est sur la bonne voie. Amen, oui. Voilà. La tour, ce serait le bar, d'une certaine manière. La tour, ça, ce serait le bar, exactement. Parce que la tour, c'est la maison Dieu, oui. Mais peut-être on peut écouter Antoine. Peux-tu aller au bout de ton idée ? Ah, j'ai absolument aucune explication. Moi, je suis assez intuitif, mais c'est un peu des bribes, des mots comme ça. D'ailleurs, je les trouve pas forcément toujours, mais... Donc là, j'ai un peu essayé de créer une sorte de lien entre la maison de Dieu et le bar, mais ça s'arrête là. Il pourrait tout à fait y avoir quelque chose de cet ordre-là, d'une grande fête. Après, moi, je continue Tout est possible, non, dans la maison de Dieu. Tout est possible. Ouais. Dans la maison de Dieu, c'est où, en soi, tout explose et tout se remet en jeu. On renverse les situations. Et puis moi, je me dis aussi qu'il y a peut-être un rapport aussi à la musique et à cette idée qu'à la fois, il y a quelque chose de vouloir exploser les codes, de vouloir aller chercher plus loin, de tout détruire pour trouver d'autres choses et qu'il y a aussi quelque chose comme ça dans les musiciens, les musiciennes qui viennent ici et qui... Parce que la tour, c'est une maison explosive, en fait. La maison Dieu, c'est vraiment la tour de Babel, c'est la maison qui s'effondre. Ah. Et je sais pas, je repense justement à la performance hier de Sarah Ennis, où c'est quelque chose. Enfin, elle racontait cette très belle histoire au début où elle évoque un compositeur qui écrit une pièce et un de ses élèves lui dit mais elle est impossible à jouer. Et puis lui, le compositeur lui dit oui mais je veux donner l'idée à à ceux qui la jouent que tout est possible. Peut-être que je ne traduis pas exactement comme il faudrait, mais il y a peut-être quelque chose comme ça dans la tour, cette idée que tout est possible, l'impossible. Ah, d'accord. Moi, j'avais plutôt compris ça comme tout est possible, mais on ne peut pas tout faire, en fait. Oui, mais en même temps, ça donne une puissance. Moi, c'est ça que j'entendais, peut-être. Une puissance de possibilité. Bon, mais non, la maison du Dieu, ça peut être la maison communale de plein palais aussi. Toi. Ah oui. Dont la programmation explose un petit peu les frontières. Oui. Enfin, on s'en rend un peu compte. D'ailleurs, ici, on est souvent entre deux concerts ou entre deux répétitions, entre deux workshops. Puis on espère juste que la foudre ne va pas tomber sur la... Alors, les murs tremblent un peu, mais... Bon, non. Et alors, le diable, ce qui empêche le festival... De aller dans tous les possibles, oui. Alors là, vraiment, en tout cas, on est dans le spirituel, là. Ouais. Le pape, la maison de Dieu, mais pour les auditeurs qui ne connaissent pas le diable dans le tarot, qu'est-ce que le diable fait, en fait ? Bah, le diable, c'est une puissance intérieure. Justement, on sort du mental, on est dans quelque chose qui est de l'ordre à la fois d'une force créatrice, mais qui vient des tripes, qui vient du ventre. On est dans quelque chose d'hyper animal et instinctif. Et donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. En fait, ça serait peut-être trois aspects des musiques qui sont ici aussi, d'une forme de... De puissance. On peut parler du duende aussi. Il y a quelque chose d'une forme vraiment primitive et qui sort de l'intellectuel. Il y a aussi une force sexuelle ou je me trompe non, dans la créativité du diable? Tout à fait, ça peut tout à fait rejoindre. Donc c'est vrai que peut-être là, on pourrait faire une petite parenthèse sur les ragots du Festival Archipel après une semaine. Bon, on fera ça à la fin, peut-être. Peut-être que ce festival va se finir en grande orgie. ou peut-être que c'est justement ces ragots qui empêchent le festival d'accéder à sa pleine élévation. Exactement. Bon, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Non, je crois que oui. Beaucoup de choses. La lecture est assez claire, j'ai l'impression. Toi, donc les clés sont aux mains de notre public, enfin dans leurs oreilles. Ouais. Ouais, méditer là-dessus et puis on continue. Mais pas trop quand même. Ouais, exactement. Donc c'est 10h10, c'est le moment de la capsule de hier pour entendre qu'est-ce qui s'est passé au Festival Archipel. Salut, salut, ici c'est Officine. Je m'appelle Mara Krastenia. Salut, salut. Et mon ici collègue. C'est Officine. Je m'appelle salut, salut, Mara Krastenia. Salut, salut. Et mon collègue. Et tu veux me dire un petit peu ce que tu es en train de faire, Lisa? Je suis en train de faire un collage pour une page de fanzine dans le fanzine de Yom Fuchs. Aujourd'hui. Numéro. Ouais, numéro. J'étais justement en train de me demander comment décrire ça. Alors, je suis. Je dirais qu'il y en a qui cherchent la mort avec le sport. Est-ce qu'on peut trouver une autre qui cherche la mort avec le tabac? Lisa. Une autre qui cherche à perdre sur Radiateur, ouais. Et je suis en train de faire un collage pour une page du fanzine du jour. Ouais. Okay. Et avec ce collage, qu'est-ce qui va se passer après une photographie? Ça va faire une page du fanzine. C'est plus des images. La page sera faite par les gens. Ils viennent de signes. Il n'y a pas très consigne. Par le fanzine. Par la fanzine. Lovezine. Voilà. Et à partir de ça, on fait des photocopies. Ma page, par contre, il n'y a aucun sens. On arrange. On a découpé avec les livres. Une mise en page, puis on imprime. Merci beaucoup, Sonia, pour cette capsule d'hier. Ah oui, oui. Et je propose qu'on écoute le son mystère tout de suite. Donc, pour rappel, vous pouvez appeler à 11h10 au 078 244 57 54 pour nous annoncer quel est le son mystère, enfin le deviner, et gagner un repas et une place de concert. Et c'était un son mystère de d'une personne mystérieuse. Est-ce vraiment une personne? Et c'est ça, en fait. Est-ce que c'est même une personne? Double c'est un, mystère. C'est un son mystère d'un mystère. Très bien, très bien. Et ben, dans ce cas-là, on peut passer tout de suite à la chronique de Doris et Vincent de Roguin. Doris qui est repartie aujourd'hui pour Bruxelles. Donc on a fait les chroniques avec elle jusqu'à hier. Et juste avant de passer à cette chronique, on va peut-être juste dire le numéro de téléphone 078 244 57 54 auquel vous pourrez appeler à quelle heure ? 11h10. 11h10 pour résoudre ce mystère, du son mystère par une personne ou non-personne mystère. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien.